Bienvenue pour cette quatrième émission de l'Écoute et l'Écho, enregistrée le samedi 11 juin 2022, une émission produite par le studio son de La Parole Errante à Montreuil. De nombreux spectres nous hantent. Et parmi ceux-ci, le spectre des relations que nous, vivantes et vivants, nous entretenons avec les mortes et les morts. Relations que nous nous proposons de questionner par différentes approches sonores, par des musiques, un plateau radio, une balade, une chronique, et deux entretiens croisés. Si nous avons choisi de dérouler ce sujet pour cette émission, c'est parce que Jeff Clack, une revue installée et fabriquée à La Parole Errante, y consacre son numéro annuel intitulé « Feu follet ». « Feu follet » s'inscrit dans la comptine qui décide des thèmes de la revue, entre terre de feu et lait de vache. « Feu follet », ce sont ces petites flammes fugitives qui apparaissent à proximité d'organismes en décomposition dans les vieux cimetières, ou les marais, comme une manifestation de l'outre-tombe dans le monde des vivants. Bellum the goose is dead, the bats have left the bell tower, the victims have been bled, that velvet lines, the black box. Bellum the goose is dead. Ce numéro feu follet donc de la revue Jeff Clack aborde la question des relations entre les morts et les vivants par de nombreux angles. Que ce soit les rituels funéraires, la façon dont les morts hantent les vivants, les politiques mémorielles, l'instrumentalisation des morts par les vivants, mais aussi les tentatives de communiquer avec les morts, les questions d'effacement des mémoires, de l'oubli imposé par les pouvoirs, mais aussi des désirs, des formes multiples de funérailles. Nous avons lu ce numéro feu follet de la revue Jeff Clack et en écho, à notre tour, nous avons déplié ce thème pour cet opus de l'écoute et l'écho. Nous débuterons cette émission par la première étape d'une balade au cimetière du Père-Lachaise avec l'historienne Danielle Tartakovsky qui en a écrit une histoire politique. Bien sûr, nous avons rencontré quelques-unes et quelques-uns des rédactrices et rédacteurs de la revue lors d'un plateau radio, enregistré le lendemain de la fête à Clack, une soirée de lancement de la revue qui s'est tenue dans la grande salle de La Parole Errante le 14 mai 2022. Nous nous interrogerons avec Oreste et Janie autour des enjeux politiques de la mémoire, en ce moment même où se tiennent les audiences du procès intenté à 10 asilés italiens en France, que les gouvernements italiens et français veulent extrader et emprisonner pour des faits qui remontent à plus de 40 ans. Nous nous mettrons à l'écoute d'Elsa et Ivan qui ont perdu un de leurs proches pendant le confinement au début de la pandémie de Covid-19 et ceci afin de faire une place à ces récits dans la mémoire du Covid. Mais tout de suite, allons chercher auprès de l'eau de la rivière quelques traces de spectres. L'écoute et l'écho, quatrième épisode, c'est parti. Thank you. Ça tourne. Nous sommes le 21 juillet 2021. Il est 2h du matin et je me trouve dans le Cher, dans un vieux moulin datant du XVIIe siècle. Les personnes vivant ici entendent des voix. Est-ce des hallucinations acoustiques, dues au passage ininterrompu de l'eau? Ou des spectres qui font entendre leur voix à travers la pierre? Je ne vais pas chercher à répondre à cette question dans cette création. Cependant, je vais mener une expérience sonore, reprenant les méthodes de la transcommunication instrumentale, ou ITC. J'ai monté un dispositif circulaire dans la pièce principale, constitué de 6 radios, un magnéto à bande, une paire d'enceintes, un micro stéréo, une console de mixage et des pédales d'effet. C'est une sorte de piège à fantômes. L'idée, ce chiffrage de la scène spectrale et que si des événements spectraux apparaissent, ITC, Experiment, Trame spectrale et Larsen hanté, la plage 4 du disque de création sonore qui accompagne la revue Jeff Clack, Feu Follet. Et maintenant, comme annoncé tout à l'heure, nous allons écouter la première étape d'une balade de récit au cimetière Père-Lachaise, avec Daniel Tartakovsky. Daniel Tartakovsky est une historienne dont le parcours personnel et intellectuel est profondément lié au Parti communiste et il a publié plusieurs ouvrages sur les mouvements politiques français au XXe siècle. Et, entre autres, elle a écrit un livre titré « Nous irons chanter sur vos tombes » où elle détaille les usages politiques du Père-Lachaise au XIXe et XXe siècle. Et c'est sur les pas d'une Paris révolutionnaire qu'avec Benoît, ici présent, et Bruno de la revue Jeff Clack, nous avons traversé avec Daniel ces grands cimetières, les plus grands cimetières parisiennes par ailleurs. Ces parcours, que nous écouterons tout au long de l'émission, étape après étape, nous mènent à une possible réponse des athées, des non-religieux, face à la mort. Une réponse donnée par des militants, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui croient dans l'histoire. On commence la balade. Il y a une question qui se pose à Paris depuis le milieu du XVIIIe siècle, c'est la question des cimetières dans la ville. Il y a notamment eu l'épisode du cimetière des Saints-Innocents près des Halles, avec une infection grave et des épidémies dans Paris, et la prise de conscience de la part d'un certain nombre d'hygiénistes et de politiques qu'il faut mettre les morts hors la ville. Donc c'est sous le Directoire en 1804. Cimetière qui va s'ouvrir dans ce qui est à l'époque un parc, il reste de très beaux arbres, mais à l'époque c'est totalement boisé, et qui va immédiatement servir de modèle à toutes les grandes capitales, j'allais dire européennes, mais au-delà de l'Europe, en Amérique du Nord également. Donc c'est un nouveau modèle de cimetière, et c'est un nouveau modèle à double titre. Bon, d'une part, c'est plus la paroisse auprès de l'église, c'est hors les murs pour les conditions que j'évoquais. Mais en France, en tout cas, les terres appartiennent donc à la ville, et la ville peut concéder à perpétuité le sol, afin que dans le sous-sol, on puisse enterrer ses morts. Concession à perpétuité, ça a deux implications. D'une part, ça permet de construire de prestigieux monuments. Donc la perpétuité est la condition de l'explosion d'un art funéraire monumental. Et puis, la perpétuité, c'est une autre forme d'éternité. Alors évidemment, en 1804, la France reste une France, je dirais presque exclusivement catholique. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un autre rapport à la mort qui s'inscrit davantage dans tout le courant romantique et dont cette perpétuité est l'expression. Ces concessions à perpétuité sont à peine mises en place que très vite les préfets successifs s'inquiètent en disant « Paris va être dévoré par ses morts ». Et donc, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la notion va rester, mais perpétuité, ça voudra dire 99 ans, reconductible, s'il existe des héritiers qui reprennent en charge et qui repayent de nouveau la concession, ou lorsque les tombes ont été classées monuments historiques. Devant nous, un monument sur lequel il est inscrit « aux morts ». On voit une femme dénudée qui est dans une position un peu christique, malgré tout. Et puis on a ce couple nu qui s'engage peut-être vers l'éternité, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, cette éternité n'est pas gaie. Enfin, on sent une difficulté à dire le sens, il n'y a pas de problème. Et on va revenir tout à l'heure sur la laïcité. Donc on monte en haut des marches. Nous voyons autour de nous quelques croix, mais ce qui caractérise le Père Lachaise, quand on s'y promène et quand on le compare avec d'autres cimetières de France, c'est que les croix sont loin d'être hégémoniques. Et pourtant, c'est une France qui, en tout cas jusqu'au tournant du siècle, va être très majoritairement catholique. Et il y a un problème pour les athées, pour les libres penseurs, quel problème de penser et de vivre finalement la mort des autres sans religion. Qu'est-ce qu'on fait quand la religion n'est pas là? C'est une colline, le Père Lachaise. Hein, donc nous allons monter nous allons remonter le temps tout en montant pour de bon. Et en haut de ces marches, il y a une chapelle assez imposante. Et à côté de la chapelle assez imposante, il y a la tombe de Thiers, qui a été inhumé là, également 79. Donc on est bien dans cet espace des adversaires de la Commune et de Versailles. Bon, donc devant nous, il y a la chapelle qui est constitutive du cimetière. Puisque quand le cimetière est construit, la dimension catholique est présente. Elle est présente à l'entrée avec une croix. Elle est présente par cette chapelle. Et on est d'une chapelle néoclassique. Hein, on est tout à fait dans l'architecture post-révolutionnaire, enfin début du 18e. Et à côté, aussi grosse, nous sommes dans l'axe du cimetière. Donc c'est vraiment une position d'honneur. Oui, c'est le grand axe. La tombe de Thiers avec des chapiteaux néo-corinthiens, là aussi, en principe jamais ouverte. Il y avait eu quelques incidents au moment du centenaire de la Commune, mais quand il arrive qu'elle soit ouverte, il n'y a rien de particulier à voir à l'intérieur. Entre la chapelle et la tombe de Thiers, une colonne brisée, mais délibérée, enfin elle a été conçue comme colonne brisée, et nous lisons Monument du Souvenir. Alors on est dans le prolongement de la croix de l'entrée, à part que nous ne la voyons plus, nous avons monté les marches, la croix de l'entrée a disparu. Il y avait là une très grande croix, au moment de la construction du cimetière, qui est abattue, laïcisation de l'espace. Et on construit autre chose, et Monument du Souvenir, on sent bien la difficulté des non-croyants devant la mort. Et pour que vous ne vous angoissiez pas, j'aurai des réponses tout à l'heure. En attendant les réponses de l'historienne Tartakovsky, revenons à ce numéro de Jeff Clark, Feu Follet, le numéro de l'année 2022. Dans un email que la revue envoie pour annoncer leur rencontre en librairie ou ailleurs, on peut lire « Feu Follet navigue des plis intimes du deuil jusqu'aux éclats des enterrements politiques. À rebours des récits majoritaires qui effacent certaines mémoires, Feu Follet fait place aux morts, aux mortes, niées, maltraitées, jugées peu dignes d'être pleurées, mortes du Covid, du sida ou disparues politiques. Il s'intéresse aux manières de politiser les mortes et les morts et de prendre soin des fantômes. » Alors le 14 mai à la Parole Errante, il y avait comme tous les ans maintenant la fête annuelle de la revue Jeff Clark. Beaucoup de monde réuni dans le jardin de la Parole Errante et dans la grande salle. Et pour l'occasion, le studio radio de la Parole Errante a sorti ses micros et on est descendu poser quelques questions, dont une question qui nous taraudait depuis de nombreuses années. Tu sais qu'il y a une radio à la oui, Parole Errante ? Oui, je la Alors, connais. Alors, j'ai une question de la part de la radio. Où est-ce que tu lis Jeff Clark ? Eh bien, j'ai lu Jeff Clark au lit, parce que le format de la revue est trop grand, et donc j'arrive pas à le transporter avec moi. Où est-ce que vous lisez Jeff Clark ? Dans la maison, vous voulez dire, ou dans le jardin, dans le train et dans le lit. Où est-ce que tu lis Jeff Clark ? Je lis pas, Je connaissais pas en fait. Où est-ce que tu lis Jeff Clark ? Chez mon amie Eva. Eva, où est-ce que tu lis Jeff Clark ? Parc des Beaumont. Est-ce que tu connais la comptine par cœur ? Alors attends, trois petits chats, chapeau de paille, paillasson, somnambule, lutin. Marabout, bout de ficelle, sel de cheval, cheval de course, course à pied, pied à terre, terre de feu, feu follet, lait de vache, vache qui pisse. De ferme. Vache de ferme, ferme ta gueule. Gueule de loup, loup des bois. Boîte aux lettres. Lettre d'amour. Jeff Clark. I don't read. You don't read. Never. Sometimes. But not Jeff Clark. It's the first time I even hear about this author. Yeah. It's not an author, Jeff Clark. It is a review. Huh? It's a review. It's not one author. It's a lot of people? Or It's a collective. Collective, comme on dit. Yes, a collective, ensemble. Où est-ce que tu lis Jeff Clark ? Alors, j'ai lu Jeff. Il s'est trouvé que j'ai lu Jeff Clark chez moi, des fois dans des toilettes d'amis. Et dans mon lit aussi, en m'endormant. Et ça t'a endormi ? Disons que je dois lire pour m'endormir. Donc, comme beaucoup d'autres supports littéraires, ça m'a endormi. Ouais. Et Est-ce que tu te souviens par quoi tu as commencé ou par quoi tu commences ? Je lis souvent les éditos et le premier truc que je lis, c'est tous les petits détails des gens qui ont fait la revue. Ça m'intéresse beaucoup. Et un peu tout ce qui est en périphérie du contenu, c'est les premiers trucs que je lis. Et les remerciements aussi ? Oui. Tu les lis au début ? Au début, ouais. Et les petites annonces ? Et les petites annonces. J'ai pas souvenir des petites annonces, mais j'aime bien lire ça, ouais. Est-ce que tu te souviens quand t'as lu Jeff Clark la première fois ? Où ? Oui, je me souviens quand j'ai lu Jeff Clark la première fois, c'était dans un train. Est-ce que t'as déjà lu un numéro de Jeff Clark en entier ? J'ai lu un numéro de Jeff Clark en entier une fois. Parce que j'étais malade et en vacances. Où est-ce que tu lis Jeff Clark ? Alors, je lis pas Jeff Clark, je le vends. Attends, j'aimerais demander à Julien, est-ce que Julien, tu pourrais nous faire la comptine, s'il te plaît ? Depuis le début ? Alors, marabout, bout de ficelle, selle de cheval, cheval de course, course à pied, pied. Mais ça va pas du tout, c'est pas ça ? Il me manque pied... pied à coulisse ? Marabout, À l'occasion de la sortie du numéro 8 de la revue Jeff Clark, donc Feu Follet, on s'est dit au studio radio que c'était vraiment bien de pouvoir inviter nos voisines et voisins de bureau de la Maison des Écritures et des Revues. Donc un premier numéro en 2014, Marabout, puis chaque année un numéro qui paraît, donc bout de ficelle, selle de cheval, cheval de course, course à pied, pied à terre, une interruption en 2020, terre de feu en 2021, printemps 2022, feu follet, couverture en papier rigide opaque, 224 pages, 710 grammes à la balance, 31 personnes au comité éditorial, 85 collaboratrices et collaborateurs, dont Ingmar Bergman, 62 pages contenant des photos, un CD dans la revue avec 6 réalisations sonores. Est-ce que vous pouvez, pour celles et ceux qui n'auraient jamais lu cette revue, nous dire en fait qu'est-ce que c'est Jeff Clark ? Est-ce que c'est un collectif, une revue, un objet, un site ? Ben, on aime bien dire que Jeff Clark, c'est un peu toutes ces choses à la fois, que c'est avant tout un collectif. C'était d'ailleurs présent dans la première description du collectif dans Marabout, hein, que la tâche la plus difficile dans le fait de faire aboutir ce premier numéro, c'est d'avoir constitué un collectif, tout d'abord. Et ça reste, en gros, notre défi le plus important, même si chaque année, il y a des tas de tâches très importantes, enfin, très difficiles, qui mènent à la sortie de cette revue, de ce CD, et au fait d'alimenter le site. Mais quand même, ça reste la construction d'un collectif qui produit différents objets, voilà. C'est même pour ça que le nom de la revue, en fait, est le nom d'une personne, disons. Et aussi qu'on a choisi le principe de la comptine, on pourrait y revenir, mais c'était l'envie de ne pas dire que c'est un magazine, on tient un numéro 1, un numéro 2. C'est différentes productions d'un collectif. Voilà. Au fil du temps, on s'est rendu compte que, à la base, quand on s'est réunis pour créer cette revue, il y avait quelques personnes qui avaient quelques connaissances du milieu éditorial. Mais pas tant, en fait. Et au fur et à mesure, on s'est formé, on a appris à corriger un texte, à avoir un rapport avec les auteurs, à avoir une relation avec un imprimeur, avec un diffuseur. C'est pas notre métier, mais on s'est rendu compte que voilà, c'est devenu un espace de auto-formation et de transmission de savoir autour de ces choses-là. Mais c'est aussi autour de faire collectif. Enfin, on en parle beaucoup parce qu'on sort d'AG, je pense qu'on est un peu imprégné de cette chose-là. Mais autour de la fabrique de cette revue, il y a aussi soigner nos relations les uns les autres, les unes les autres, et y compris transmettre des savoirs autour de ça. Et par exemple, comment le fait d'être un collectif avant d'être une revue affecte ce Jeff Clack, quoi. On est très nombreux à relire les textes des uns des autres, et sans se donner une ligne idéologique ou politique claire a priori, en fait, on construit le collectif dans le fait d'être nombreux à avoir une intimité avec les textes qu'on publie. Et c'est dans cette fréquentation-là des textes et ce travail commun-là des textes qu'on se construit comme collectif aussi. On a un comité de rédac qui a la réputation d'être assez interventionniste. Effectivement, on est très très scrupuleux sur les textes, quoi, et on s'approprie énormément les textes qu'on reçoit de contributeurs extérieurs, contributrices extérieures, et les textes qu'on écrit nous aussi au sein du comité. Et puis, à partir du moment où on a accepté un texte, eh ben, y a un groupe de personnes qui va travailler dessus, et ça peut être 4, 5, 6 personnes par moment qui vont travailler intimement ce texte-là, jusqu'à en faire une matière qui soit quasiment collective. Et c'est pour ça que dans le numéro, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais c'est dans le sommaire qu'apparaissent les noms des auteurs, mais au sein des pages du numéro, les noms des auteurs et des autrices n'apparaissent pas. Et je crois que c'est un principe qui est venu afin de mettre en avant le fait que les textes, même s'ils sont signés, ils ont été tellement travaillés collectivement que quelque part, il y a un détachement aussi avec cette question de la signature. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu encore en amont, parce que avant même ce que vous avez commencé à décrire, il y a cette espèce de matrice de questionnement qui est liée à la comptine qu'on a déjà évoquée. Mais comment est venue cette idée de se soumettre à un principe, à une contrainte formelle pour construire et inventer une revue? Alors ici, je pense qu'ici, il n'y a personne qui était là dans les discussions préparatoires au premier numéro de Jeff Clack, il me semble. Comme on le dit souvent, dès la convocation d'un collectif, dès qu'un collectif s'est créé pour former une revue, il y avait dedans, mais comme on le dit souvent, des gens qui avaient un rapport à l'écriture, qui avaient déjà participé à des revues, ou qui étaient libraires, ou qui étaient chômeurs et qui avaient un rapport au tract, ou chômeur et pas de rapport forcément à l'écriture. Et il y avait tout de suite une volonté de ne pas faire une revue thématique qui partirait du thème que les gens ont envie de traiter. Et cette histoire de comptine, c'était une manière de définir un thème commun autour duquel travailler qui permette de s'étonner soi-même quand on travaille à ce texte-là et de s'étonner collectivement, de ne pas reposer sur ce qu'on a à dire ou ce qu'on voudrait absolument transmettre. Ce que tu décris là, ce mouvement d'essayer de se surprendre soi-même, on a l'impression que c'est quasiment une méthode d'enquête, d'investigation ou un processus de recherche. Est-ce que vous pouvez le décrire, ce processus ? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on arrive au numéro, enfin au mot, à la première AG où on va discuter du thème, on a une discussion à bâton rompu pour savoir qu'est-ce que ça évoque, etc. Souvent, on fait une petite recherche étymologique pour essayer de comprendre ce que le mot veut vraiment dire, quelle est l'histoire un peu du mot, etc. Et l'idée, c'est pas d'utiliser le mot comme une allégorie ou un thème comme ça, mais plutôt que le mot nous inspire une question, qui est souvent une question qu'on dit épistémologique, une question en fait, qui va en tout cas déplacer nos façons de regarder ensuite les thématiques diverses qui nous inspirent. Après, ça, c'est un peu le mythe de la fabrication du numéro. Et dans la réalité, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas de surprise, en vrai, par rapport à la comptine. Donc, en fait, on a on a chacun, chacune, un peu un imaginaire de ce qu'on aimerait traiter l'année suivante. Et ce qui fait qu'on arrive déjà avec chacun son petit discours qu'on va défendre pour faire exister le numéro. Ce qui fait que de temps en temps, on a des tensions très fortes dans les thématiques. Par exemple, dans Course à pied, il y avait des gens qui n'avaient absolument pas envie de travailler un an sur le jogging, le sport ou des choses comme ça. Des gens qui avaient envie de travailler sur le développement personnel ou des choses... Et ensuite, d'autres qui parlaient maintenant la course à pied, la fuite, la migration, le rapport à la police, etc. Donc, tout ça ne faisait pas question. Et en fait, la fabrication de la question est venue presque au fur et à mesure de l'arrivée de ces propositions un peu hétérogènes. on était assez stressés de savoir comment on allait faire tenir tout ça ensemble, en fait, tout du long de la préparation. Et c'est en fabriquant, c'est face au texte, face aux envies et face aux questions que ces envies nous posent, qu'on, finalement, presque de manière, on va dire, artificielle, on pose une question qui nous a l'air intéressante et qui vient structurer ensuite le numéro. Et sur Feu Follet, par exemple, concrètement, on l'avait beaucoup anticipé, ce numéro. En fait, c'était très magnétique, quoi, comme image. Et donc, des pieds-à-terre, des terres de feu, on se disait, ah là là, ce numéro, Feu Follet, sans doute, on parlera de la mort, et ça nous intéressait beaucoup. Et puis, certains et certaines d'entre nous avaient lu Au bonheur des morts de Vinciane Després, qui avait beaucoup parlé à plusieurs d'entre nous. Et donc, on avait déjà un peu en tête de prendre ce livre-là de Vinciane Després comme point de départ. Mais voilà, une fois arrivé face au Feu Follet, en vrai, ben, on est... En fait, ce que nous donne la comptine, c'est pas un thème, c'est une image, quoi. Et c'est une image qui nous met au travail, quoi. Et donc, en fait, on prend très au sérieux cette image-là. Et l'étonnement, comme disait Xavier, vient aussi du fait qu'on se raconte des histoires différentes avec cette image-là, mais on essaye de la traiter avec rigueur, quoi. Et donc, du coup, bah, concrètement, qu'est-ce que c'est un feu follet? Ça apparaît dans les cimetières, c'est quelque chose qui revient d'un corps en décomposition. Et donc, on s'est dit, bon, bah voilà, ça apparaît, ça disparaît, c'est évanescent. Et donc, c'est à certains endroits, donc il y a une dimension géographique. Donc, il y a l'idée qu'il faut le voir, donc se rendre disponible au fait de voir un feu follet. Donc voilà, et c'est ça qui nous a fourni un peu des pistes de départ pour essayer de travailler ce numéro-là. On a assez vite défini une question un peu du genre qu'est-ce que les morts font faire aux vivants, qu'est-ce que les vivants font aux morts, enfin des choses un peu comme ça. À partir de là, on construit un appel à contribution notamment. Et au fur et à mesure que les articles sont écrits par le collectif et les articles extérieurs nous arrivent, là on a assez vite révisé la question en s'apercevant que finalement des choses commencent à se décaler et que notamment dans l'angle de... Oui, que tous les articles ne parlaient pas de ce que les morts font faire aux vivants, par exemple, mais étaient plus larges dans les relations que les gens entretiennent avec leurs morts, et notamment dans les aspects mémoriels qu'on n'avait pas du tout anticipés, voire même, je pense que certains d'entre nous voulaient pas forcément développer ce thème-là, disons. Et puis, à un moment, des articles plutôt intéressants, plutôt consistants arrivent, résonnent entre eux, du coup, ça nous pose d'autres questions et on cherche à les creuser, quoi. Là, c'est alors que dans d'autres cas, les questions arrivent à la toute fin. Rassurante, inquiétante ou imperceptible, ces flammes fugitives nous ont ouvert une voie. Nous allions explorer la toile des relations qui s'étissent entre les mortes et les vivantes. Ces relations sont souvent affectées par les traitements publics des mortes. Alors que le réchauffement climatique suit son cours, avec la promesse des disparitions d'espèces entières, que la catastrophe du Covid brise encore des vies en silence, que les violences d'État continuent de tuer impunément, que l'invasion russe réactive la guerre en Ukraine, l'énormité des chiffres et les subtilités statistiques mettent les morts à distance et rendent parfois difficile d'apprendre ce qui est vraiment perdu. Feu follet se situe ainsi au croisement entre les plis intérieurs du deuil et l'espace collectif où ces douleurs font effraction. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu précisément les étapes de fabrication de ce huitième numéro ? En fait, Feu follet a été imaginé en plein cœur de la crise du Covid, quoi. Et ça a été vraiment une évidence entre nous dans les discussions qu'on était traversés par cette question-là, du traitement public des morts du Covid. Et très vite, il y a eu ce constat qu'on était travaillé par le fait que certains morts étaient maltraités, instrumentalisés, niés, etc. Et que ça affectait en fait les vivants. Et voilà, et cet aller-retour entre le soin pour les morts, le soin pour les vivants nous est apparu assez rapidement, donc dans le contexte pandémique. Il y a un autre aspect qui est arrivé assez rapidement, toujours dans cette question un peu du soin pour les fantômes. On a rapidement pensé aux archives, en fait, et à la présence des fantômes dans les archives, et notamment dans les archives minoritaires. Et donc, on a rencontré Mathias Quéré, qui appartient à PD La Revue, et qui, lui, travaillait sur les archives du mouvement homosexuel français, notamment entre le Phare et Act Up, et donc les groupes de libération homosexuelle. Une histoire qui est un petit peu méconnue, un peu moins bien traitée. Les archives n'étaient pas encore constituées. Et donc, en discussion avec Mathias, on lui a proposé d'écrire un texte sur ce que c'était pour lui que de constituer ces archives-là, donc d'aller les chercher chez des particuliers, rencontrer des gens. Des archives qui ne sont pas du tout institutionnalisées, en fait, qui sont des archives de particuliers. Et donc, il a trouvé des photos de cercles amicaux, militants, etc., des tracts, des comptes rendus de réunions, des programmes de festivals, etc. Et voilà, il a reconstitué toute une archive comme ça. Et puis, c'était très marquant pour lui de rencontrer des gens, pour certains d'entre eux, qui étaient morts et qui avaient participé à activer ces luttes à ce moment-là, dans les années 70-80. Et donc, ce qui est très beau dans le texte qu'il a écrit, c'est que ce lien-là produit, en fait, donne à penser la manière dont on peut hériter, en fait, de ces luttes-là vis-à-vis des archives et comment les archives permettent d'hériter de ces luttes. Et c'était très fort aussi dans un contexte de Covid, puisque Mathias se trouvait aussi à avoir à faire avec une autre histoire épidémique qui était celle du sida. Et voilà, et donc il y avait des échos qui se formaient en fait entre la lutte contre le sida et le traitement politique de cette maladie et le contexte du Covid. Et donc voilà, par exemple, c'est ce fil-là qu'on a pas mal traité. Et une des choses qui nous est apparue au bout d'un moment, c'est, comme le disait Bruno tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup envisagé la question des mémoires, et notamment des mémoires minoritaires, plutôt du point de vue de gens qui luttent contre l'oubli. Et donc des luttes qui sont oubliées, des vécus qui sont oubliés, maltraités, dénigrés, etc. Et donc voilà que nous, on travaille du côté de la mémoire contre l'oubli. Et que c'est l'oubli, c'est le travail du dominant, quoi. Enfin, c'est de la violence dominante. Et en fait, c'est assez tardivement dans le numéro qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas fait vraiment beaucoup de place à la possibilité de ne pas vouloir hériter de certains morts. Enfin, par exemple, de vouloir divorcer de son mari après sa mort, d'hériter de dettes. Enfin, voilà, qu'est-ce que ça pouvait faire d'hériter de dettes ? Bah, d'héritage plus contrarié, en fait, ou d'héritage non désiré. Et tout ça, ce sont des textes qui n'ont pas forcément abouti, mais c'est des questionnements qui sont venus vraiment sur la fin. Et peut-être qu'on a aussi beaucoup mis au travail les morts dans ce numéro. On a beaucoup interrogé ce qu'ils avaient à nous dire et quel usage on pouvait faire d'eux. Et on s'est dit on n'a pas assez envisagé l'oubli d'un point de vue positif aussi. Enfin, ou défendable, quoi, enfin, ou même l'idée d'un repos pour les morts. Mais c'est des questionnements qui sont venus vraiment sur la fin et qui nous ont amenés à rédiger un texte collectif qui est un tract, le Ghost Tract. Nous, trépassés depuis quelques jours ou des siècles, mâles morts, ex-malades, ex-vieilles, ex-improductifs, accidentés du travail, décédés à l'hôpital ou à l'EHPAD, unissons nos voix, car la situation est intenable. À toute heure, nous sommes convoqués par des vivants sans gêne qui nous font dire et faire n'importe quoi, et ce, sans demander notre consentement. Ça suffit. On est au-delà, on reste au-delà. Droit inconditionnel à l'oubli. Ni emploi forcé, ni récupération. Grève des Maccabées. Et donc on a rédigé ce tract-là un peu en pensant à tous les usages pénibles en fait, qui étaient faits des morts, quoi. Donc les instrumentalisations, le fait que, par exemple, des féministes mortes soient convoquées pour faire taire des féministes vivantes, par exemple. Non, c'était pour ajouter un élément de contexte, le moment où effectivement on s'est dit la nécessité de trouver une manière de raconter que dans certains cas les morts voudraient peut-être qu'on les laisse un peu tranquilles, c'était qu'on était aussi en période électorale, à un moment où notamment la droite et l'extrême droite par exemple se battent sur l'héritage de Gaulle, chacun singe, c'est les fantômes pour lesquels ils voudraient que les gens votent finalement, plus que pour eux, parce que sont plus très séduisants, et que ça aussi, oui, ça nous a aussi poussé à écrire ce tract, quoi. Du coup, je voulais juste rajouter que dans les temporalités, pour revenir sur cette question de comment ça se passe, genre dans ces AG, on va pointer ces choses-là qui nous intéressent, ces axes qui nous intéressent. On va parfois revoir un petit peu la copie et recommencer. Donc, je suis revenue j'avais pris une pause du collectif pendant un an. Je suis revenue un peu à la moitié de la fabrication de Feu Follet. Et quand je suis arrivée, par exemple, on interrogeait l'idée de la nécropolitique. Donc, nécropolitique, c'est un concept alors qui a été pas mal travaillé par Achille Mbembe, en héritant de Foucault, de l'idée de biopouvoir et donc du contrôle par l'État des individus. Donc, selon Foucault, plus dans une idée de mise au travail, de garder la population en bonne santé pour qu'il soit efficace au travail, on va dire de façon très grossière. Et Achille Mbembe a décalé un peu ça en tirant un peu plus le fil de l'idée de laisser mourir certaines populations, voire faire mourir certaines populations à travers l'héritage colonial, en tout cas en profitant d'une déshumanisation, on va dire, d'une partie de la population, donc racisée, précaire, etc., pour s'en débarrasser quand on n'en a pas besoin. Et du coup, à l'époque, on a décidé plutôt de faire une étude de cas sur la ville de Manaus, où la gestion de la pandémie par Bolsonaro a été très problématique, évidemment, mais aussi vraiment un cas d'école pour comprendre comment une histoire coloniale amazonienne a permis à un État d'utiliser cette ville comme laboratoire d'une politique de mort. Au moment de l'écriture de cet article, plus de 660 000 Brésiliens et Brésiliennes sont morts et mortes du Covid, soit 3050 morts par million d'habitants. Derrière des airs grotesques et une bêtise de façade, le président brésilien fait preuve d'une cohérence redoutable dans son ingénierie meurtrière. Celle-ci s'appuie sur un racisme lié à l'histoire coloniale d'exploitation et d'extermination des populations racisées, qui sont aussi les plus précaires et les plus pauvres du pays. Les déclarations de Bolsonaro servent précisément à fabriquer auprès de la population l'altérité de ces groupes qu'il qualifie de « faibles », groupes qui mourront en priorité. Si la pandémie a surpris les États, sa gestion par le camp bolsonariste s'est fondée sur une politique raciste et validiste, méticuleusement bâtie et approfondie au cours des dernières années. Ce qui s'est passé et se passe aujourd'hui au Brésil ne relève pas d'une catastrophe, étymologiquement liée à la notion d'inattendu, mais bien d'un crime opportuniste, d'un génocide dûment caractérisé par la commission d'enquête parlementaire comme crime contre l'humanité. Extrait de Bolsonaro génocidaire, La pandémie à Manaus, une opportunité nécropolitique, page 159 et suivante de la revue Jeff Clack. Là, ce que vous nous racontez, c'est qu'il y a vraiment un travail de composition qui est fait à travers la revue et qu'on voit que vous cheminez en fait par rapport à ces discussions collectives, à des actualités qui viennent percuter en fait votre travail. Comment vous travaillez ce dialogue entre des archives, du texte, un article, des images qui ne sont pas nécessairement, on va dire, liées entre elles de manière tout à fait directe? Bah, ça circule entre le comité images et le comité éditorial, c'est-à-dire il y a des gens qui sont dans les deux et que les questions ou les manques de l'un sont poreuses par rapport à l'autre collectif, quoi. Qu'il y a un autre article qui est consacré à des archives sur des enterrements politiques, c'est-à-dire des enterrements qui ont donné suite soit à des grandes manifestations, soit à des émeutes, avec un exemple d'un mort du sida américain. Et on s'est assez vite dit que ça résonnait entre les deux et que le mouvement français, par exemple, avait été assez fort. Du coup, on a décidé d'aller chercher et renforcer cet aspect-là, mais on l'a... C'était plus facile de trouver en fait, des éléments visuels des luttes d'ACT UP américaines. Et c'était plus difficile de trouver des éléments français, mais on a été aidé par les archives d'ACT UP et on est très contents là, d'avoir des tracts autour de Gérald Sanchez, notamment de Clouse Vélez. Cette question des archives, elle est intervenue assez tôt dans le numéro, elle a été travaillée tout du long, mais ça reflète aussi une certaine activité plus générale de la revue Jeff Clack vis-à-vis un rapport aux archives, enfin, qui est valable aussi pour d'autres numéros. Ça devient assez systématique qu'on exhume en fait des textes pour les relancer dans un nouveau contexte, en les associant, en faisant des montages un peu nouveaux. Quelque part, on arrive à relancer quelque chose, une histoire qui peut un peu se perdre. Et c'est quelque chose qu'on fait vraiment un peu systématiquement, enfin d'exhumer, de relancer, d'essayer de travailler à des connexions temporelles, des échos entre des choses du passé, des enquêtes autour de contextes contemporains et de comment on peut recréer des échos, recréer de la filiation entre des histoires. Lors de cette enquête, la question de ma propre subjectivité s'est imposée. Elle est pour moi intimement liée à celle de la confiance, car l'histoire que je souhaite participer à écrire n'est pas simplement celle d'une succession d'événements. Elle a bouleversé des vies. Pendant les entretiens, parler de la période SIDA a été une épreuve douloureuse pour certains, certaines. L'émotion était palpable. Quand il fallait se remémorer un carnet d'adresses dont on avait barré, mois après mois, la majorité des contacts, et se souvenir des semaines ponctuées par les enterrements au Père-Lachaise. Une relation de confiance était requise avec mes interlocuteurs, interlocutrices, et j'ai plusieurs fois été testé par certains, certaines, pour qui elles comprennent ce que je savais déjà de leur histoire, quelles étaient mes intentions et sous quel angle je voulais aborder mes recherches. Ces multiples rencontres m'ont poussé à une certaine rigueur, être le plus juste et le plus consciencieux possible pour raconter cette histoire au plus près de la vérité, aussi fictive soit-elle. Mais aussi, soumettre mes recherches et mes écrits à ces mêmes personnes pour qu'elles puissent donner leur avis, compléter ou complexifier certains faits ou corriger mes erreurs. Car si le travail d'archive est l'un des fondements du travail d'historien, historienne, étudier une période récente permet de confronter les traces écrites aux acteurs, actrices de cette histoire. Les militants, militantes sont les dépositaires d'un récit qui, elles, font perdurer. Alors que la question de la mémoire est encore souvent dépréciée par la science historique, elle me paraît au contraire précieuse pour saisir ce que les archives ne disent pas et qu'il faut lire entre les lignes. Par exemple, dans Feu Follet, il y a toute une séquence qui était pour nous très difficile à monter, qui parle de la mémoire du génocide bosniaque, des histoires de négationnisme, que ce soit dans un contexte de crime antisémite ou du génocide des Tutsis au Rwanda. Et c'est dans cette séquence qu'il y a aussi les textes sur le Covid. Cette séquence-là, elle est un peu une séquence qui fonctionne ensemble, notamment chapeautée par le texte de Judith Butler sur comment le partage des larmes, justement, enfin, comment le fait de pleurer les morts et pouvoir pleurer ses morts permet de reconnaître la valeur d'une vie. Et que quand il y a des communautés où on empêche de pleurer ses morts, en fait, on est en train de ôter un peu de valeur de la vie des vivants, en fait, qui ne peuvent pas pleurer ses morts. Du coup, on découvre une espèce de logique qui devient claire dans notre tête parce qu'on l'explicite beaucoup. Mais on va dire que souvent, elle nous surprend, en fait. C'est pas quelque chose qu'on a anticipé. Mais le fil d'ACT UP dans le numéro est apparu comme ça, de plusieurs manières. Un peu dans le texte de Mathias Quéré, c'était pas une commande de notre part, mais c'est un fil qui est vraiment apparu. Et c'est ça qui nous a amené à demander ce texte à Didier Destrade, quoi, qui arrivait à coudre justement... cette question de l'héritage de la lutte contre le sida avec les questions d'autodéfense sanitaire qui se fabriquaient en plein dans la crise du Covid, quoi. Vu ce qu'on a dit sur le travail de montage, de composition, cette façon aussi de travailler depuis l'hétérogénéité, la pluralité, et non pas du tout sous la forme d'un groupe sujet qui s'affirmerait via une revue avec une ligne, etc. Vous en avez parlé au début. Mais malgré tout ça, en s'appuyant sur cette dynamique très particulière de construction, comment vous avez l'impression d'arriver à faire revue politique, puisque encore hier, dans la grande salle de la parole errante, vous l'avez aussi présenté comme ça, comme une volonté initiale du projet. Est-ce qu'on peut revenir sur cet aspect ? De toute façon, je pense qu'il y a un truc qui ne nous gêne pas entre nous, c'est des fois de nous contredire. Donc, par exemple, je ne me rappelle plus à quel moment on a dit pouvoir être une revue politique. Il semble qu'à d'autres moments, on pourrait insister sur le fait que... il peut nous arriver de faire la politique ensemble, voire même la manif peut être un endroit où on se voit, où on se rassemble, on peut même y discuter d'un numéro quand les conditions le permettent, et que le travail de la revue, c'est par des gens qui sont intéressés par la politique, mais c'est pas leur activité politique, c'est pas de faire une revue. Bon, ça peut être une manière de répondre. Et en même temps, là où moi je vois de la politique dans la manière qu'on a de le faire, mais c'est dans des trucs qu'on a dit un petit peu tout à l'heure. Par exemple, course à pied, il y avait pas mal d'articles sur notamment les migrations. Et du coup, c'est un numéro avec plein de récits, juste par le fait qu'on fait attention à ce que ce soit, comme disaient plutôt les collectifs de chômeurs, la parole des premiers concernés qui prime. Enfin, on fait vraiment attention à ne pas avoir tellement de paroles d'universitaires sur un sujet qui est juste un sujet d'étude et qui ne les concerne pas. Enfin, d'où là aussi, dans ce numéro, une primauté des rapports intimes à la mort, des choses comme ça, quoi. Là, par exemple, pour reprendre un autre exemple qui est dans le numéro, depuis le début, on était intéressé par l'histoire de Drexia, donc qui est une fiction classée afro-futuriste, plutôt par un groupe de musique afro-américain, qui est une histoire d'esclavage avec des femmes esclaves jetées à la mer pendant la traversée transatlantique. Et dans cette fiction, ces femmes auraient donné naissance à des enfants qui auraient survécu, qui auraient fondé une Atlantide noire sous-marine, ultra développée, etc. C'est un rapport aux fantômes qui nous paraissait hyper intéressant. Et en même temps, dans ce cas-là, c'est pas nous qui... Enfin, ça nous semble délicat d'en parler que nous. Donc moi, je me suis permis de faire une intro pour recontextualiser cette histoire. Mais dans ce cas-là, on va aller chercher une fiction écrite par les concernés. Du coup, là, en cherchant bien, on a trouvé une chanson d'un groupe de hip-hop qui s'appelle Clipping et qui reprenait ce mythe qui s'appelle The Deep et qu'on a traduit. Our mothers were pregnant African women thrown overboard while crossing the Atlantic Ocean on slave ships. We were born breathing water as we did in the womb. We built our home on the seafloor, unaware of the two-legged surface dwellers, until their world came to destroy ours. With cannons, they searched for oil beneath our cities. Their greed and recklessness forced our uprising. Tonight, we remember. Y'all remember how deep it go? Started from the bottom. Y'all remember how deep it go? For y'all had to come back deep. Y'all remember when it used to be deep. So deep, so, so deep, ay. When y'all swam about y'all mama while y'all mama was asleep. So deep, so, so deep, ay. And y'all remember when y'all had the dance floor lit. Dark, no two-step deep. Y'all don't even sweat deep. As deep as it gets. Dreaming dead asleep and keeping time. Y'all heartbeat deep. Y'all heartbeat deep. And all the fishes had their eyes bugged out. Cause y'all dancing underwater and y'all don't get wet. And the dark smelled sweet and y'all tails touch reef. Y'all feed off the bottom. But now y'all remember. Il y a un autre exemple qu'on peut prendre dans Feu Follet, c'est le fait d'interroger la question du négationnisme, pas strictement d'un point de vue théorique, mais depuis des collectifs qui luttent contre le négationnisme. Donc, par exemple, depuis le RAR, donc le Réseau d'Action contre l'Antisémitisme et tous les Racismes, qui s'est monté en 2021, qui lutte contre les crimes racistes, s'interroge beaucoup sur la mémoire de la Shoah, notamment. Et c'est un collectif qui, lorsqu'il organise ces événements, invite souvent d'autres gens qui sont autour de la mémoire du génocide arménien, du génocide contre des Tutsis au Rwanda, etc. Et donc on a fait une discussion, on a fait un entretien croisé entre un membre du RAR et Jessica Mouisa, qui elle travaille sur la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda, qui est membre d'Ibuka, une association autour de ces sujets-là. Et donc c'était important pour nous que ce soit deux militants de terrain qui s'expriment sur ces questions-là, alors qui font venir aussi plein de questionnements théoriques, mais aussi des questions très pratiques sur qu'est-ce que c'est que la lutte mémorielle, par exemple, comment on organise concrètement un événement en essayant de se positionner politiquement sur la question de la mémoire, enfin qui on invite, quel procédé on utilise, quel nom on lit, comment on humanise les personnes mortes. Et donc par exemple, donc Jonas Durard nous racontait comment... Lors d'un événement, un hommage à Ilan Halimi, ils avaient aussi lu le nom d'Adama Traoré, et que c'était un signe très fort de lire ces deux noms côte à côte. C'était une manière de produire des alliances politiques fortes entre différentes luttes qui peuvent être perçues comme étant disjointes, et notamment par des lectures droitières, quoi, qui opposeraient en fait ces morts. Et donc comment on n'oppose pas des morts à certains endroits, comment on les met pas en concurrence, mais comment on les place côte à côte, quoi. Donc ça, c'est aussi une manière de travailler. Et c'est vrai que c'est pour une production écrite, mais qui est intéressante parce qu'elle produit une conversation entre deux collectifs et deux luttes. Donc là, le Rwanda la Shoah et les crimes antisémites, et une conversation qui va se poursuivre. En fait, ils vont écrire des articles ensemble, on va faire des présentations publiques avec eux, elle et eux. Donc voilà, c'est aussi une manière de donner par moment des outils et des ressources à des luttes en cours. Et alors, bien sûr, on pourrait arguer que la revue, elle est politique aussi par le fonctionnement de son collectif, même si c'est perfectible, qu'on a sans cesse des disputes sur ça et qu'on s'en veut beaucoup de certains comportements et voilà, qu'on essaye d'ajuster ça. Mais en tant qu'éditrice et éditeur, évidemment, on a aussi une démarche qui est politique parce qu'on a le choix de mettre en avant certaines voix plutôt que d'autres, certaines idées plutôt que d'autres. Donc ça paraît une évidence pour n'importe quel éditeur, éditrice. Et je pense que autant dans cet entretien croisé, il y avait conversation entre un militant et une militante, qui étaient dans des contextes un peu différents. Je pense que mettre en conversation aussi différentes thématiques, différents aspects de la critique sociale et aussi de la littérature, différentes manières de voir le monde, ça crée aussi des nouvelles configurations, ça crée des connexions, et je pense que ça, c'est aussi très politique en vrai. Dans cette revue, on n'a pas l'impression de défendre des idées politiques a priori, mais qu'on espère en tout cas nourrir nos imaginaires. Enfin, c'est quelque chose qu'on dit, alors je ne sais pas si c'est de l'ordre de l'automythe, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on ne sait pas si on le fait pour le lecteur ou la lectrice, mais pour nous, il s'agit de nourrir notre imaginaire. le condenser dans un endroit et se dire qu'est-ce qu'il y a là qui va nous mettre au travail pour ensuite faire de la politique par ailleurs, on va dire. Et je pense que c'est en ça qu'on dirait que c'est une revue politique, de nourrir un imaginaire commun et des façons de regarder le monde. Et pour boucler un petit peu avec le tout début de l'émission où on parlait un peu de la comptine et son but, au début on disait beaucoup d'ailleurs que le but de cette comptine et de l'espèce de ce dispositif là qui nous déplace, c'était pour aller chercher le politique là où on l'attend pas, que justement pour pouvoir le découvrir, quoi, se dire que non pas comme l'espèce de slogan plutôt souvent mal compris, tout est politique, qui crée beaucoup de malentendus, de se dire qu'il peut y avoir du politique un peu dans tout et que ça se travaille, enfin, d'où l'enquête, d'où des dispositifs des fois de déplacement de la pensée pour ça. Merci à vous d'être venus. On vous proposera notre lecture de ce numéro par cette émission radio. Voilà, merci à tout le monde. Y'all remember. Y'all remember. Ocean salinity, 35 PSU. Water pH, 7.91. Y'all remember when the regime changed that no please, no calm seas, let the water rise. So deep, so deep. Oil slick up on the sleeper was an awful thing to realize. If the two legs wanna wake the dead, they gon' have to bring more fire. Y'all is closer to the earth, so deep. And y'all was talking how to get up in their heads and got to being real inspired. Circumstances of the birth has got y'all feeling like an army, better yet a navy. And they gone gave y'all the blessing, now y'all going crazy. They live with green up on the surface, but they ain't deep. That pistol shrimp will knock a two leg off his feet. Y'all perfecting the steam void to rip up they ships. They using sonar as second language, y'all fluent with it. And all the dreamers is woke now with nightmares swim. But everybody heard that bloop, know y'all coming for them. Y'all remember. Y'all remember. Surface water temperature, 308 Kelvin. Y'all remember when the call went out, ay, no deep, no more deep. Sunshine. Y'all remember when the call went out, ay, no deep, no more deep. Sunshine. Y'all remember feeling wind up on your skin, no deep, no more deep. Sunshine. Y'all remember how it burned in the beginning, no deep, ride on em, ride on em, ride on em. Y'all remember seeing sun across the surface on the day that y'all first came about the water. So deep. How the breaking of the surface showed the sky without a border and the air was so much hotter. So deep. How the woke dreamer screamed and it rose tides. And the waves stretched up like a mountain high. And the no-gills gasped and they closed eyes. And they prayed to their gods and they asked why. And then y'all cried too cause y'all recognized mama in the faces of the ones that y'all would terrorize. They were sisters and brothers. They were the babies born about the water. Not connected to each other. Not a knowledge of the one drop. But they had to learn today. Y'all had one shot. Let the sun burn today. Let them feel the dark even deeper today. Make a two-leg a believer today. Let them know that they done woke a sleeper from a sleep. So deep. That y'all been dancing without any feet. So deep. Is the nerve that they struck with a blast. That they broke with a drill. That they burnt with a gas. Y'all remember. So deep. Sunshine. Ride on. Y'all remember. So deep. Sunshine. Ride on. Y'all remember. So deep. Sunshine. Ride on. Y'all remember when y'all had to let them breathe. Ride on. Aye. Initiating tidal wave sequence. Uniform. Romeo 030. Nos mères étaient des femmes venues d'Afrique, jetées par-dessus bord pendant la traversée de l'Atlantique. Nous sommes nés en respirant de l'eau comme dans leur ventre. Au fond de l'océan, nous avons bâti notre maison, ignorant des bipèdes vivant à la surface, jusqu'à ce que leur monde vienne détruire le nôtre. Armés de canons, ils et elles ont cherché du pétrole sous nos villes. Leur cupidité et leur imprudence ont provoqué notre soulèvement. Ce soir, nous nous souvenons. Traduction maison du début du morceau qu'on vient d'écouter, un rap du groupe Clipping, intitulé The Deep, une occasion de revisiter l'Atlantide noire, un thème de l'afrofuturisme, dont on retrouve une courte archéologie en page 174 de Feu Follet, ce dernier numéro de la revue Jeff Clack, qu'on peut trouver par exemple à la librairie Michel Firk, 7 rue François de Berg, au métro Croix de Chaveau, à Montreuil. Mais revenons au Père Lachaise. Non, je pense qu'on peut... C'est pas sûr que ce soit des tours. On peut peut-être pas mieux faire. À 43, c'est excellent. Excellent, ça y est, on est dessus. C'est bon. 43e division. C'est bon. Pour Jeff Clack, je viens de faire une BD sur Victor Noir. Du coup, je la connais bien l'histoire. Alors, Victor Noir était un journaliste. Le cousin de Napoléon III avait provoqué en duel Henri Rochefort, qui était le chef, Henri Rochefort comme rédacteur en chef d'un journal suite à la publication d'un article qui insultait un peu la Corse, quoi. Et lui, il est arrivé à Neuilly chez le cousin de Napoléon III comme témoin, Victor Noir, avec un autre témoin. Et en gros, le cousin de Napoléon l'a abattu direct, a tiré 7 fois sur eux, quoi. Et il est mort quasiment sur le coup. Les obsèques de Victor Noir, ça se passe en 1870. Donc nous sommes vraiment au dernier jour de l'Empire, même si l'Empire ne le sait pas encore. Mais il y a quand même dans le pays une certaine tension. L'enjeu, c'était, normalement, aurait dû être inhumé au cimetière de Neuilly. Et un certain nombre, notamment de blanquistes, ont essayé de détourner le cortège pour qu'il soit inhumé au Père Lachaise. Le dispositif policier était tel qu'en vrai, c'était impossible. Et finalement, il a été inhumé à Neuilly. Mais 20 ans après, ils ont sorti le corps et ils l'ont inhumé ici, quoi. Victor Noir, là encore, c'est une tombe qui est réalisée par Dalou. Dalou, c'est qui? C'est un sculpteur. C'est un sculpteur. Dalou, c'est c'est la statue de la République place de la Nation. C'est un communard. C'est un sculpteur communard, donc il dit quelque chose parce qu'il sent quelque chose. Il écrit à ses pieds que c'est une souscription nationale. Oui. Une tombe qui est relativement basse, avec un socle triangulaire. Elle est très basse, elle arrive en dessous de mes genoux, là. C'est un jeune homme avec ici justement un visage très reposé. Enfin, c'est un innocent qui vient de mourir. C'est un visage très très lisse et très rien à voir avec cette figure tourmentée qu'on a vue tout à l'heure avec Blanqui, qui est d'ailleurs allongé comme un gisant. Et il a son très beau chapeau qui est tombé à côté de lui. Et sa braguette n'est absolument pas de la même couleur que le reste de la statue. Nous sommes dans du bronze et donc la statue est une couleur verdâtre. La braguette est extrêmement polie, au sens de polissage. Et elle est polie parce que il y a un rite qui s'est institué, je ne sais pas à partir de quand, qui fait que des femmes viennent caresser cette braguette on voit indéniablement une érection. On sent que on a voulu montrer un jeune, enfin, il est mort en pleine vie, quoi. Si j'ose dire, il a été tué en pleine vie, et donc caresser cette érection permettrait de rendre les femmes fertiles. Apparemment, les dernières en date datent d'avant-hier, si j'en crois les fleurs qui sont à côté. Mais c'est vrai qu'en tout cas, le passage du symbole révolutionnaire au symbole de fertilité et d'amour, je trouve ça assez, assez beau, finalement. Je m'excuse, mais il y a vraiment une vie dans ce cimetière et des statues vivent. Effectivement, il y a beaucoup de vie et il se passe des quantités de choses qui sont spécifiques à chacune des statues. Et donc ça, on pourrait y passer. Enfin, moi, encore une fois, ce qui m'avait intéressé au départ, c'était les usages politiques du cimetière. Et donc, je me contrefoutais perdument de la braguette de Victor Noir. Mais ça ne saurait masquer qu'il y a d'autres usages et que tous ces usages s'entremêlent. Oui, et puis là, le glissement de symbole, il est quand même assez... Oui, assez marrant, quoi. En France, le maintien de l'ordre public est régi pendant la première moitié du XIXe siècle par la loi martiale du 21 octobre 1789, qui interdit les regroupements de plus de 20 personnes et autorise leur dispersion immédiate par la force armée. Les banquets et cortèges funéraires sont alors régulièrement utilisés comme prétexte à se rassembler sans être inquiétés. Le 5 juin 1832, les obsèques du général Lamarque, député républicain, héros des journées révolutionnaires de juillet 1830 et figure populaire de l'opposition libérale à la monarchie, achèvent d'embraser un Paris déjà fiévreux. Après 3 jours de discussion dans les ateliers et débits de boissons de la capitale, une foule se réunit autour du convoi funéraire. Chacune, chacun s'arme comme il peut et court de maison en maison pour s'organiser avant de courir à la morgue. Le gouvernement observe, la main sur la poignée de l'épée. Malgré l'énorme déploiement de soldats jusqu'en banlieue, le cortège qui doit traverser Paris est dévié de son itinéraire par la foule pour un tour d'honneur de la colonne Vendôme. Passé la Bastille, des cris s'élèvent. Vive la République et la marque au Panthéon. La garde nationale et les dragons chargent. La foule se disperse, mais bientôt la ville se hérisse de barricades. Les combats font rage toute la soirée. Dans la nuit, les insurgés acculés se retranchent dans le quartier Saint-Merry. Le lendemain après-midi, les dernières barricades tombent, l'insurrection est écrasée. On dénombre plusieurs centaines de morts et de mortes, de blessés, lors de cette révolution manquée, passée à la postérité sous la plume de Victor Hugo et les traits de Gavroche. Extrait de Chrysanthème et Fumigène, quand les cortèges funéraires bifurquent, page 53 et suivante du numéro 8 de la revue Jeff Clack. Il y a déjà des gerbes, c'est le dernier dimanche de mai, normalement. Bon, alors, nous voici arrivés devant ce qu'on appelle aujourd'hui le mur des fédérés. Au soir de la semaine sanglante, en mai 1871, certains des derniers combats de la Commune ont eu lieu dans les 19e et 20e arrondissements, certains de ces combats ont eu lieu dans le Père Lachaise, dans la diagonale de l'endroit où nous sommes, donc tout près de l'entrée principale du côté du métro Père Lachaise. Donc nous sommes ici dans une partie du cimetière qui à l'époque n'est pas lotie. Nous sommes dans cette zone réservée que la ville de Paris a gardée pour la suite. Il y a eu des fusillés près de ce mur comme ailleurs. C'est pas tellement à cause de la fusillade que ce lieu va cristalliser la mémoire. C'est parce que des centaines de communards tués dans les rues de Paris sont inhumés par tombereaux en fosse commune au pied de ce mur. Alors, il n'y a pas que cet endroit où des communards sont enterrés. Le lieu de Paris où il y a eu le plus de victimes enterrées en fosse commune, encore une fois, c'est le cimetière du Montparnasse. Mais il y en a eu également au bout de Chaumont, enfin, il y en a eu partout où on pouvait creuser. Donc on peut se demander pourquoi c'est le cimetière du Père Lachaise qui, le temps passant, a cristallisé la mémoire de la Commune jusqu'à quasiment évacuer les autres lieux où il y a des plaques par ailleurs qui rappellent cette mémoire mais qui ne cristallisent pas des pratiques commémoratives au même titre. Nous sommes dans les hauts quartiers de l'Est parisien hein, qui sont les quartiers populaires et donc ça a sans doute contribué à ce que la mobilisation populaire reste la plus importante qu'ailleurs. Mais jusqu'au tournant du siècle, je veux dire jusque vers 1900, il y a des cortèges qui ont lieu ici, qui ont lieu à Montparnasse et qui ont lieu un peu plus tard sur la tombe de Louise Michel à Levallois-Perret. C'est les 3 lieux qui vont concentrer la mémoire, puis progressivement ça se concentre sur ce seul cimetière. Alors, vous voyez devant nous sur ce mur une plaque aux morts de la Commune. Ici, on nous dit bien de quelle mort il s'agit, à la différence du monument que j'évoquais tout à l'heure, avec les dates durant lesquelles ces hommes et ces femmes ont été abattus. Nous sommes en mai, et donc il y a devant le mur quantité de gerbes, puisque c'est devenu le lieu d'une cérémonie annuelle du durant lequel toute une série d'organisations viennent déposer des gerbes. Normalement, c'est le dernier dimanche de mai, donc je ne sais pas pourquoi elles sont déjà là, mais enfin, en tout cas, l'important, le nombre de gerbes qui sont là nous montre bien qu'il y a une mémoire vivante de cet événement. La position de cette plaque en elle-même va être un combat. L'inhumation a lieu au terme de la semaine sanglante. Nous sommes dans la période, nous entrons dans la période d'ordre moral. Tout hommage est strictement interdit. C'est-à-dire qu'il y a des forces de l'ordre qui errent dans les parages et qui viennent enlever toute fleur ou toute marque. Il y a une gravure qui nous montre, qui s'appelle La Veuve, qui nous montre une femme en noir avec un enfant en train de déposer une fleur. Bon, c'est une gravure qui je dirais, qui évoque ce qui devrait être. Mais même ce type d'hommages sont interdits. Il s'agit d'effacer les traces. Et lorsque les Républicains l'emporte politiquement en 1880, lorsque les lois d'amnistie sont votées en 81 et qu'elles permettent le retour des communards déportés ou exilés, et il est bien dit par ces républicains que l'amnistie ne signifie pas pardon, elle signifie oubli. Donc l'effacement des traces demeure la règle. Il n'en demeure pas moins que une fois les communards, enfin les communards exilés et déportés rentrés, donc 81, la pratique précède le monument, et donc l'habitude d'un cortège d'hommage aux morts se met en place. On célèbre mai et on ne célèbre pas mars, on célèbre la chute, on célèbre parce qu'on célèbre les morts, enfin on rend hommage aux morts. Et donc ce n'est pas la naissance de la commune, c'est la fin, mais parce que ça prend vraiment la forme d'un hommage aux morts qui n'a pas pu être rendu, compte tenu de ce qu'étaient les circonstances de leur mort, de leur absence d'obsèques et des 10 ans qui ont suivi. Donc ces cortèges se déroulent tant bien que mal, que je dis tant bien que mal, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout question que des drapeaux puissent être déployés et que lorsque certains s'essayent à les déployer dans l'enceinte du cimetière, ça peut terminer par quelques bagarres, que par ailleurs les composantes de ce mouvement ouvrier renaissant sont un peu divisées, donc il y a quelques heures. Et puis en 1884, on apprend que cet espace du cimetière va être loti. C'est fait pour ça. Je veux dire, institutionnellement, il a été acheté, préempté par la ville pour être loti. Il n'y a plus de place. Hein. Vous avez vu que c'est... Les préfets sont absolument hostiles à l'érection de monuments qui ne sont pas des tombes. Ils disent que ce n'est pas fait pour ça. Le cimetière, c'est un cimetière. Il n'y a déjà pas de place. Et donc, pour lotir, ça veut dire que cette zone, qui est une zone d'hommage, va devenir le lieu d'autres tombes. Et donc, l'association qui s'est créée, des anciens de la commune, en fait, se mobilise. Il y a un certain nombre d'élus radicaux. Alors les radicaux, c'est radicals, hein, c'est pas au sens radical socialiste, qui se font le relais à conseil municipal. Il y a d'anciens communards qui ont été élus conseillers municipaux, on va y revenir. Et donc ils obtiennent un sursis de 15 ans. On gèle la situation. Et alors pendant ces quelques années où la situation est gelée, suivez-moi, il y a toute une série de conseillers municipaux, Prudent d'Hervilliers, ouvriers tailleurs, on commence par l'affirmation d'une identité professionnelle et ouvrière, Jean-Baptiste Clément, auteur du Temps des Cerises, mais aussi Paul Lafargue et Laura Lafargue, c'est-à-dire le gendre de Marx et son épouse qui se sont suicidés, qui sont incinérés, mais dont les cendres vont être ensuite inhumées face au mur. Bref, toute une série de militants qui, cette fois-ci, effectivement, appartiennent aux différentes composantes du socialisme réémergent de la pré-commune, dont les familles, ou plutôt les amis, ou choisissent de les faire inhumer face au mur. Et on n'est pas dans une décision collective et d'organisation puisqu'ils appartiennent à des courants épars. Donc il y a une construction là, qui s'est opérée, des mini-collectifs. Quoi. Qu'est-ce que ça veut dire que de se faire inhumer en face du mur ? Ça veut dire s'inscrire dans une histoire. On s'inscrit, et là on est dans une pratique religieuse d'un point de vue anthropologique, hein, on se fait inhumer auprès des saints martyrs. parce que dans l'Église catholique, on est plus près des intercesseurs et donc de Dieu. Et ici, parce que, comme l'écrit Michelet, et comme c'est gravé sur sa tombe, mais la tombe, elle est à l'autre bout du cimetière, l'histoire est une résurrection. En s'inscrivant dans l'histoire, ça donne un sens à la mort, et là, c'est la réponse que des libres penseurs, que des socialistes vont donner justement à cette question qu'on a vu poser tout à l'heure par ce monument qui ne disait rien et qui est apporté par des militants sans que ce soit théorisé, écrit, décidé nulle part. On est bien dans des pratiques de type anthropologique.